On va parler de soccer. C'est les qualifications de l'Euro en fin de semaine. Et je sais que je suis pas beaucoup ça, mais je sais que la France avait pas le choix. Quoi qu'il en soit, Benoît Lavoie va nous en parler. Salut Benoît. Salut dans Radio Sport, salut Dani. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Benoît, on va se parler de. Oui, j'ai vu ça mener une manchette. La France n'a plus le choix. Est-ce que la France était si menacée que ça de ne plus être de ne pas faire partie de l'euro? Ben, pas vraiment. Écoute, c'est parce qu'ils ont échappé à un match en Turquie. C'était au mois de. Quand est-ce? Au mois de mai, le dernier match de la saison là, des sélections. Puis ça, c'est tout après les calendriers. Écoute, là. On a déjà parlé dans les chroniques antérieures d'année. Tu sais que ces joueurs-là, les joueurs qui font des sélections internationales, qui sont des, on appelle ça des joueurs internationaux, qui jouent en club, ils jouent tout dans les gros clubs d'Europe, ils font des saisons incroyables. Et on leur demande encore d'aller terminer. Les saisons étaient terminées. Je pense que c'est un petit peu avant ou après la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions. On leur demande encore des matchs de qualification. Et on est allé jouer en Turquie, un match très difficile. Et la France a échappé le match contre la Turquie. Ça a été un match d'une défaite de 2-0 le 8 juin, c'est au mois de juin, donc c'est après la Ligue des Champions, fait que, avant que les joueurs partent en vacances. Fait que c'est dur de garder, là. Tu sais, ils ont gagné la Coupe du Monde l'année d'avant. Ils sont arrivés en gros club pendant toutes les saisons européennes. Et là, on leur demande, et en Turquie, ben, ils ont quand même une belle sélection. Alors, qu'est-ce qui arrive, Danny, c'est que dans les qualifications de l'Euro, on a 10 groupes présentement. Il y a 10 groupes. Il y a des groupes de 5 et des groupes de 6 équipes. Et dans ces 10 groupes-là, on prend les deux meilleurs qui vont se qualifier pour l'Euro. Il faut juste mentionner, Danny, que l'an prochain, la Coupe d'Euro, c'est une coupe spéciale parce qu'elle va être faite. C'est la première fois que ça va se faire dans 12 villes d'Europe différentes. Et ça pourquoi? Parce que on veut comme souligner les 60 ans de cette coupe-là, de l'existence de la coupe en Europe, là, de la coupe continentale. Donc, il faut dire que les matchs vont être en Pays-Bas, en Allemagne, en Roumanie, en Hongrie. Tu vois, c'est des villes, ça, des pays qu'on verra pas beaucoup, qui sont pas nécessairement capables de prendre un euro complet. En Azerbaïdjan, en Russie, encore à Saint-Pétersbourg, il va y avoir des matchs-là. En Espagne, en Italie, en Irlande, en Écosse, en Angleterre et au Danemark. Donc, dans 12 villes différentes, 12 pays, mais dans des villes. Ça sera pas, mettons, si je te dis Pays-Bas, ça va être à Amsterdam. Ça sera pas dans d'autres villes. Les matchs vont avoir lieu là. Donc là, on parle de 24 équipes. Tantôt, je t'ai dit qu'il y avait 10 groupes fois 2, ça fait 20. Il va rester 4 équipes à qualifier. C'est en rapport avec la nouvelle Ligue des Nations qu'ils ont mis en place l'année passée. Je crois là qu'il faut vérifier un peu vraiment les détails. Là, j'ai pas les détails, mais il y a 4 autres sélections qui vont se qualifier parce que là, on va arriver à l'Euro avec 24 équipes là, de qualifiés là, pour l'Euro l'année prochaine, au mois du 12 juin au 12 juillet. OK. L'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, même l'Islande. L'Islande, qui est un beau petit pays, qui a été un coup de cœur. Comment ça va pour eux autres? L'Allemagne, l'Italie. Ben écoute, on peut faire, si tu veux, pour faire une tournée des groupes à partir du groupe A, mais je veux dire, il faut rappeler que les qualifications d'année, c'est vraiment. C'est intéressant à suivre parce que c'est pas toujours facile. C'est un tournoi facile. Avant un tournoi, c'est ça qu'on dit. C'est un tournoi. C'est ça. C'est un tournoi des tournois, là. C'est pas toujours facile d'aller jouer dans des petites villes, dans des pays, des plus petits pays, où ce que là, tu dois être l'équipe visiteuse et là-bas, ils sont crinqués à bloc, les fans sont crinqués à bloc. Et là, si tu veux, tantôt, quand t'as parlé de la France, on va y arriver dans leur groupe, mais on va commencer avec le groupe A. Si tu veux, présentement, l'Angleterre a gagné justement son match après-midi. L'Angleterre est en première position avec les Tchèques. Bon, ça, c'est première, deuxième. Ça devrait être les deux favoris. Les autres équipes, le Kosovo, Monténégro, Bulgarie, c'est pas trop relevé. Donc, d'après moi, les deux-là devraient se classer. Mais, faut faire attention, faut pas échapper de match, hein. Quand on dit un groupe à 5 équipes, ça veut dire qu'on va jouer en 8 matchs. On va jouer un match à l'extérieur et un match à la maison contre chaque sélection. Dans le groupe B, Dani, t'as l'Ukraine et le Portugal qui, selon moi, devraient être favoris. Mais attention, t'as la Serbie. Ils sont en première, deuxième position. Mais t'as la Serbie qui peut être tannante. Sinon, la suite, c'est pas trop dangereux. Si on va dans le groupe C, là, c'est un beau groupe relevé, là. T'as l'Allemagne, et là, présentement, t'as l'Irlande du Nord qui crée une surprise, et t'as le Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça, dans les matchs qu'il y a eu en fin de semaine, on a eu un match Allemagne-Pays-Bas, c'était 1-0 les Allemands et les Pays-Bas ont créé la surprise. Ils ont battu les Allemands chez eux 4-2. Présentement, tu as l'Allemagne et l'Irlande qui sont premier et deuxième et les Pays-Bas ont un match en main. Donc là, ça va se faire à trois équipes. Là. Donc, moi, d'après moi, l'Allemagne et les Pays-Bas devraient sortir. On va se rappeler que les Pays-Bas avaient battu la France dans la Ligue des Nations l'année passée. Donc, les Pays-Bas à surveiller. Puis, ils n'étaient pas en Russie non plus, les Pays-Bas. Ouais. Donc, à surveiller, là, ça va être intéressant à voir dans le groupe C. Dans le groupe D, ben, t'as l'Irlande, le Danemark et la Suisse. T'as trois bonnes équipes. Là. Ça va être très serré. On sait qu'on, comme on a dit tout à l'heure, c'est les deux premiers qui vont sortir. Si tu regardes le classement, l'Irlande est premier avec 11 points, Danemark 9 et la Suisse 8. Donc, ça va être serré. C'est trois bonnes nations de football. Les Irlandais vont tout faire pour essayer de se qualifier pour aller à l'Euro. Donc, dans le groupe D, c'est ça. Dans le groupe A, bon, tu vois, la Croatie a chopé hier un match de 1-1 contre Azerbaïdjan. Match avait lieu à Azerbaïdjan, mais la Croatie, on a Modric encore, on a encore de bons joueurs qui sont là. Dans ce groupe-là, surveillez Croatie, Slovaquie, Hongrie. Il y a même le Pays de Galles avec Gareth Bale, donc c'est 4. Ça va être serré parce que t'as la Croatie qui devrait sortir, mais présentement, ils ont juste un point d'avance sur la Slovaquie, donc à surveiller dans le groupe E. Dans le groupe F, ben là, tu as l'Espagne, la Suède et la Roumanie qui peuvent être à surveiller, mais Espagne-Suède devrait se qualifier. L'Espagne est en avance, ils n'ont pas perdu une fois, ils ont 6 victoires en 6 matchs. Et il y a des nations d'amis qui, en qualification, ils ont toujours de la facilité, alors que c'est pas le cas de la France. C'est toujours difficile, la France, en qualification. Donc, Espagne-Suède, et t'as la Roumanie là qui essaie d'aller chercher la Suède, donc 11 des 10 points, donc ça va être serré. Puis t'as la Norvège aussi qui est quatrième. Norvège, une bonne sélection aussi en quatrième position à surveiller dans ce groupe-là. Dans le groupe G, là, tu trouves avec la Pologne. La Pologne, on sait qu'elle est à la Coupe du Monde, elle est à l'Euro là, en 2016 aussi. Pologne, Slovénie, Autriche, ça devrait se... C'est deux équipes-là sur trois qui vont se classer. Les trois autres, on n'en parle pas. C'est moins relevé, mais ils ont quand même 8 points. La Macédoine et Israël à surveiller un peu. Dans le groupe H, Danny, tu as la Turquie, la France. C'est là que c'est serré. Turquie, France, Islande, ça va jouer dans ces trois-là. Oh. Présentement, la Turquie est en première position avec 15 points, avec la France aussi à 15. Et tu as l'Islande à 12. Là, présentement, donc, Turquie, France est en avance. Il leur reste encore 4 matchs à disputer. Mais c'est-tu, je parle de l'Islande, ça dépend toujours du groupe, là, tu me parles de la France, quasiment, Turquie, c'est une bonne référence également en foot. Est-ce que c'est plus facile, ça dépend toujours du groupe côté, là, mais pour l'Islande, qui avait bien fait dans la Coupe du monde de soccer, là, de toute façon, ça va être dur. L'Islande, ils ont encore leurs joueurs qu'ils avaient en 2016. On va se rappeler que d'abord, ça a commencé en 2016, à l'Euro 2016. Ils se sont retrouvés en quart de finale contre la France. La France les avait battus en quart de finale. Et après ça, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie. Ça a été une grosse surprise. Fait qu'on sait que c'est pas un grand pays. Donc, c'est un peu encore les mêmes joueurs qui sont là. Il y a peut-être des changements qui se sont faits avec les entraîneurs. Et ces joueurs-là ont connu l'Europe de plus en plus. Hein? Les clubs les voient jouer. On va les chercher. Donc, on est prêt à mettre des sous pour avoir ces joueurs-là. Donc, Turquie, France. Et attention à l'Islande, ça va être serré. Il reste 4 matchs à jouer. Les matchs vont avoir lieu au mois d'octobre. Là, la pause vient de se terminer aujourd'hui. Les matchs d'aujourd'hui viennent de se terminer. Donc, dans le gros patch à surveiller. Ça serait vraiment incroyable de voir la France pas se qualifier. Mais il faut pas échapper de match. Il faut faire attention. Dans le groupe I, maintenant, tu as la Belgique qui va très bien avec 6 victoires en 6 matchs, qui devrait se qualifier assez facilement. La Russie est deuxième, donc Belgique-Russie. Par rapport à la suite, tu as l'Écosse qui est décevant un peu là-dessus, mais je pense que Belgique-Russie, ça va être assez simple pour eux. Et le dernier groupe, le groupe J, on va se rappeler que nos Italiens n'étaient pas en Russie il y a deux ans. Oui. Est-ce qu'il y a eu des transformations en Italie depuis ce temps-là? Ça a dû passer pas mal? Là, présentement, ça va bien dans leur groupe, de qualification. En 6 matchs, ils ont 6 victoires. Ils ont justement battu la Finlande hier ou avant-hier. C'est le deuxième club, la deuxième nation qui peut être difficile. Là, présentement, on a 18 points, donc on a 6 points d'avance. Donc, ça devrait être facile pour l'Italie. Donc, on devrait retrouver l'Italie à l'Euro en 2020. Et dans les autres équipes, ben, il y a la Grèce qui est décevante un peu et la Bosnie. Et le reste, ben, c'est pas le niveau un peu. Donc, Italie-Finlande dans le groupe A. Donc, à surveiller, là, les prochains matchs d'année vont avoir lieu en mois d'octobre, les qualifications. Là. Ah, OK, dans le mois d'octobre. Donc, on va suivre ça de tête à tête. Donc, la France qui a gagné un gros match pareil, c'est sûr que 12 points, ils ont quand même 3 points. Une victoire, c'est 3 points, c'est ça? Oui, une victoire, c'est 3 points nuls. Pour rappeler, Danny, que la finale aura lieu le 12 juillet 2020. Les stades sont déjà trouvés. Les demi-finales et finales, ça seront toutes au stade de Wembley à Londres. Donc, Très intéressant. Si on pouvait se trouver des billets, Danny, on pourrait aller faire un petit tour à Londres. J'ai pas le même salaire que toi, là, Benoît Lavoie. J'ai pas le même... On va essayer. Est-ce que tu as regardé pareil? Est-ce que les programmes des billets, ça marche-tu de la même façon que la Coupe du Monde? Parce qu'on sait que t'étais pigé. C'est Oui, pour c'est ça que tiré parle la au FIFA, c'est sort. pour ça que t'as été. Est-ce que c'est le même principe? Je pense qu'au niveau de l'euro, ça marche comme ça aussi. Il y a différentes phases de vente. Hein. Moi, pour la Russie, j'avais eu une phase de vente, j'avais participé à un tirage, mais quand tu es un fan là-bas, tu peux y aller aussi. Quand tu es un fan, mettons, de la France et t'es membre avec eux, ben là, quand ils débloquent des billets, quand le club, quand la nation avance dans le tournoi, il y a une possibilité d'avoir plus de Français dans le stade. On dit, mettons, il y a 15 000, 12 000 billets pour les Français. Donc, c'est plus simple d'avoir des billets. Donc, il y a différents styles de vente de billets. Moi, la mienne, quand j'avais participé, c'était vraiment un tirage au sort là, pour les demi, les quarts, demi et la finale. OK. Donc, on va suivre ça de très, très près. Ça va avoir lieu bientôt. Donc, on rappelle que c'est trop intéressant. C'est un tournoi avant le tournoi. Puis ça, malheureusement, TSN monte les matchs, là. Fait que... Oui, bien, c'est suivi un petit peu ce TSN. Puis comme je te dis, ben ça c'est du 12 juin au 12 juillet. Normalement, à la fin de décembre, au mois de décembre, on devrait avoir terminé les qualifications. Et déjà, il va, en janvier, on va avoir des matchs amicaux pour préparer l'Euro 2020. Il faut rappeler aussi, Danny, qu'il va y avoir une Coupe américaine encore cette année. C'est bizarre, la Coupe américaine a eu Ah. l'année passée. Et il y en a un autre. Les autres sont un petit peu durs à suivre dans leur événement, là. OK. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se reparle bientôt. Yes, salut Danny. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com.